La Corée intensifie l'éducation de classe et anti-impérialiste chez les travailleurs jeunes et enfants. Dans tout le pays, aux centres d'éducation de classe sont organisés souvent les cours d'éducation de classe et l'entretien avec les témoins. À l'occasion de la journée de la lutte anti-américaine du 25 juin et d'autres, se tiennent les rendez-vous pour jurer la vengeance et autres activités. On visite le musée central d'éducation de classe, le musée de Sinsun et le musée d'éducation de classe de la commune de Susan qui montrent l'atrocité des impérialistes américains et des ennemis de classe.